On m'a dit que mes muses étaient désespérées, qu'elles devaient prendre leur retraite, c'est dépravé. On m'a dit que mes racines ne valaient pas ce que je suis, mais je poussais fièrement même si l'irrégularité de mes branches te font gaulerie. On m'a dit que ma prose ne valait rien sous cette forme et qu'il fallait que je plagie Brassens pour que ces gens-là acceptent mon fond. On m'a dit de porter le chrome et la flamme olympique, que ça n'était pas si mal au fond, et on m'a dit les seniors et les seigneurs, respecte-les, même si c'est dans les camps que certains l'ont envoyé. Booba m'a dit oh, Biko, on m'a dit oh. On me dit de respecter les juifs, ils ont assez subi, qu'ils ont le droit de plonger une nation entière dans une chute subite. Il faut bien leur trouver un coin, une planque avant qu'ils investissent dans le banque. On me dit, si tu veux te défouler, il y a encore les anars, les homos, les musulmans. Et je réponds non, mon voisin me suffira pour l'instant. On me dit, mais fais gaffe à tes branches, à côté il y a des cabanes et des enfants. Mais un arbre ne contrôle pas sa façon de pousser. On me dit que je devrais moi aussi aller dans une serre, à l'usine, au conservatoire à l'usure de la musique en série, plutôt que de rester dans la forêt. Et ça fait des années que les psychés, les rappeurs, les punks ont commencé. Il faut pas rêver, ça ne peut que continuer. On me dira de demander le changement de la définition CIMA, mais si c'est ça, alors pourquoi? On me dira que finalement ça valait le coup et que dès le début on aurait dû me mettre debout, tandis que les fins de race me diront heureusement que toute cette foulée ne nous touche que maintenant. On me dira aussi c'est tant pis pour moi, et dans ma jeune tombe mon sourire s'étendra. On me dira ta musique n'a toujours pas changé, et vos politiciens non plus donc y a pas de danger. Ça tiendra toujours pas la route, on me dira c'est toujours pareil, on a mal aux oreilles. Et c'est cette herbe que ma vache voile broute et c'est elle qui fait votre lait. On me dira plus que mon texte est trop laid parce que les textes comme des bombes sur l'instru expérimenté seront posés, et le conservatoire ainsi que l'intellectualité auront explosé. Et voyez cette fois, il y a un refrain. J'espère que vous êtes contents. J'espère que je vais mourir jeune. Et couchez-vous, moi con. Demain matin, découvrez l'inconnu de ceux qui ouvrent leur gueule. Et voyez cette fois, il y a un refrain. J'espère que vous êtes contents. J'espère que je vais mourir jeune. Et couchez-vous, moi con. Demain matin, découvrez l'inconnu de ceux qui ouvrent leur gueule. Et ouais, ça parle toujours la même chose. Ça parle de sexe, d'anarchie, en plus ça parle de drogue. Mais après la labeur, vient la détente. Les sages dans ton long test, et ça marche, est-ce que ça te tente? J'suis pas là pour jouer l'intellectuel, ni jouer une mélodie un peu trop cruelle. Mais hurler quand il n'y a rien dans ma QL. Hurler quand il n'y a rien dans ma QL. Est-ce que dans cet océan sans fond, ne pouvons-nous pas jouer sur la forme pour s'amuser à fond? Faut pas croire, on réfléchit aussi, même avec des mots comme merde, scène, sodomie. Et pas de maturité dans ce monde que des points de vue. Chacun trouve sa fan, bon, mais il n'y a pas de science infuse. Des verres obscènes, juste pour se libérer. Personne n'est obligé de se sentir concerné. Et voyez cette fois, il y a un refrain. J'espère que vous êtes contents. J'espère que je vais mourir jeune. Et couchez-vous. Ceux qui ouvrent leur gueule. Et voyez cette fois, il y a un refrain. J'espère que vous êtes contents. J'espère que je vais mourir jeune. Et couchez-vous, moi con. Demain matin, découvrez l'inconnu de ceux qui ouvrent leur gueule. cette fois, il y a un refrain. J'espère que vous êtes contents, j'espère que je vais mourir jeune. Et couchez-vous moins con, demain matin, découvrez l'inconnu de ceux qui ouvrent leur gueule. Et voyez cette fois, il y a un refrain. J'espère que vous êtes contents, j'espère que je vais mourir jeune. Et couchez-vous moins con, demain matin, découvrez l'inconnu de ceux qui ouvrent leur gueule. Je voudrais en placer une pour ceux qui croient tout savoir. Mon passé dans la lune me permet d'avoir une histoire. Tu veux le pouvoir, mais tu nous prends trop pour des poires. Chez nous, on n'a pas besoin de voir pour essayer d'y croire. Tu crois tout connaître, mais t'as pas essayé la cam. Lorsque, quand t'es chez père, même ta mère, tu l'appelles madame. Tu dis que tu connais tout, mais t'as pas été dans la rue. Avoir des gars piqués, des gens qui ont trop bu. T'es trop influençable, y'a deux ans t'étais dans ton culte. Et aujourd'hui tu me dis que t'es passé au stade adulte. Avec ta science à deux balles, tu voudrais changer le monde. Mon gars, t'as pas compris qu'à la télé qu'on voit James Bond. Alors quand tu viens me voir et que tu me dis que t'as la science infuse, désolé mon gars, mais de mon côté je crois bien que t'abuses. Ne va pas dire aux gens que tu ne connais pas ce que tu ne sais pas. Ou bien reste de ton côté, ou bien viens et instruis-toi. Et voyez cette fois, il y a un refrain. J'espère que vous êtes contents, j'espère que je vais mourir jeune. Et couchez-vous moins con, demain matin, découvrez l'inconnu de ceux qui ouvrent leur gueule. Et voyez cette fois, il y a un refrain. J'espère que vous êtes contents, j'espère que je vais mourir jeune. Et couchez-vous moins con, demain matin, découvrez l'inconnu de ceux qui ouvrent leur gueule. Et voyez cette fois, il y a un refrain. J'espère que vous êtes contents, j'espère que je vais mourir jeune. Et couchez-vous moins con, demain matin, découvrez l'inconnu de ceux qui ouvrent leur gueule.